Demandez d'identifier un lieu. Going down the list. La pièce ici, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est quoi? Comment est-ce que ça s'appelle cet endroit-là? C'est quoi le nom de la rue? Quel est le nom de la rue?